voilà un joli morceau tout doux pour démarrer l'année. Johan Covet, bonjour. Bonjour Alex. Merci de vous prêter à ce jeu des confidences musicales, les premières de 2026, il faut ouvrir le bal. Exactement. Et alors Johan, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs à quel titre vous êtes là ce matin? Eh bien, bien sûr, donc j'étais venu une première fois dans le cadre d'une promotion, si on peut dire, de concert caritatif, donc où j'ai pu rencontrer un petit peu les différentes personnes de l'émission. Et j'étais finalement invité à revenir une seconde fois dans une émission un petit peu plus intimiste, donc avec vous justement, pour parler un petit peu plus de moi et passer un agréable moment du coup sur Mais du coup, vous laissez encore un peu planer le mystère. Et c'est vrai qu'on parle là de concert caritatif, on parle de chansons, mais à l'origine, et donc c'est moi qui vais le dire, Johan est ce qu'on appelle un maestro de l'émission N'oubliez pas les paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez fait à N'oubliez pas les paroles pour mériter ce nom de maestro? Eh bien, j'ai décidé de m'inscrire à cette émission, donc qui est animée par Nagui, et donc du coup j'ai remporté une vingtaine de victoires sur cette émission avec un bon petit jackpot à la clé. Donc du coup parmi les meilleurs de la saison. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle un maestro de N'oubliez pas les paroles. C'est l'expression consacrée. Exactement. Voilà. Donc moi c'est pour ça que j'ai choisi cet invité, comme je disais en intro, parce que il va nous expliquer. La détermination et le travail qu'il a mis dans cette préparation, parce que moi je ne savais pas avant de le rencontrer, je croyais qu'on arrivait comme ça un peu la bouche en cœur en connaissant des tas de chansons, mais en fait tout ça, ça se travaille. Et puis le travail a drôlement payé, parce que d'une part moment super sympa, petit jackpot, et puis une nouvelle vie qui s'offre après. On va décliner tout ça. Pourquoi vous avez choisi Ma préférence de Julien Clerc en intro? Eh bien, c'était une petite chanson dédicace. J'ai un groupe d'amis, voilà, où on se voit régulièrement et les filles adorent mettre cette chanson. Voilà, c'est la chanson d'une soirée, on va dire. Elles aiment bien cette chanson-là. Donc, petite dédicace. Eh bien, on espère qu'elles écoutent, qu'elles sont avec nous ce matin. C'est super. Alors, évidemment, on n'arrive pas dans une émission comme ça sans un peu de background, comme on dit maintenant, hein, d'histoire. Moi, j'ai une petite question, ma petite question impertinente d'Alex. Il était comment le petit Johan quand il était petit? Est-ce que c'était ce genre de garçon qui chante tout le temps, qui monte sur la table à la fin du réveillon pour faire un spectacle, ou il avait une autre relation à la musique? Je chantais certainement tout le temps, mais pas sur la table du réveillon pour faire un spectacle. D'accord, donc beaucoup plus soft, beaucoup plus tranquille. Un peu plus calme, c'est ça. Donc, je suis fils unique, donc il fallait bien que je m'occupe aussi un petit peu dans mes moments. Donc j'aimais beaucoup la musique. Mes parents avaient une grande chaîne IFI avec des cassettes, des CD, des vinyles. Et donc du coup, j'aimais bien un petit peu passer ces CD-là dans la chaîne IFI et lire, même voir les pochettes d'albums où il y avait les paroles et chanter en même temps. Donc voilà, déjà un rapport très intime avec les chansons, très très proche quoi. On rentre dans la chanson et on s'intéresse aux paroles. Exactement. Et donc du coup ça va porter ses fruits. Voilà, une vingtaine d'années, presque une trentaine d'années plus tard, on va dire. On a tout notre temps ce matin, on va effectivement dérouler cette belle histoire. Et mais tout de suite, puisqu'on parlait de l'enfance, on va passer un morceau qui te rappellera ces douces années. Qui vivait dans une grande maison, sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait de garçon que j'étais. Alors ça, c'est la petite chanson de l'enfance. Exactement. Vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, la première fois que je l'ai entendue, c'était absolument pas Claude François qui l'a chantée. Je l'ai découvert au Club Dorothée dans mes jeunes années. J'avais adoré cette chanson. Ah, le Club Dorothée, moi, c'est souvent que mes plus jeunes invités, on va dire, en parlent. Hein. Ça a été très, très, très, très fondateur. Ça a ouvert des tas de curiosités. C'était ma génération. Donc, elle chantait, c'était l'époque d'Hélène et les garçons. Elle chantait avec Hélène cette chanson en duo. Et j'avais adoré cette chanson. Ouais. Alors, on va s'intéresser donc à ce parcours. Oui. C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui est passé à la télé autant de temps. Je crois qu'on va se tutoyer hein, parce qu'on s'est déjà on vu. On va se tutoyer, Alexia, pas de soucis. Le vouvoiement me bloque un peu ce matin. Alors, dis-moi, Johan, oui. Comment tu as eu l'idée d'aller sur cette émission ? Eh bien, la graine a germé une première fois. Donc, j'étais parti avec le boulot voir une émission, justement, en tant que spectateur. Ça m'avait beaucoup plu. Mais voilà, donc, cette émission-là, précisément. Oui, n'oubliez pas les paroles, exactement. Donc, voilà, j'assiste au public et je découvre un petit peu cette émission que je voyais à la télé et ça me plaît bien. De cette expérience, on décide avec une amie de s'inscrire. Et on n'est pas allé jusqu'au bout du casting, donc c'est tout, c'est pas grave, page tournée, on n'en parle plus. Comment ça se passe le casting d'ailleurs ? Eh bien, on appelle juste au téléphone, et on chante une chanson, et on nous dit « oui, ça me plaît bien » ou « non, ça me plaît pas, retentez votre chance », et voilà, donc si ça va plus loin, et donc on et alors, attends, étapes. Juste une petite question, on t'appelle au téléphone de façon totalement impromptue, par surprise, ou c'est organisé, donc tu peux un peu te préparer ? Ah, on peut se préparer. En fait, soit on tombe sur un répondeur et là on vous rappelle. Ouais. Soit on tombe directement sur le casteur et là il nous demande chante-nous ta chanson. Et ils vous disent pourquoi ils vous gardent pas ? Quand ils vous gardent pas ? Non, on nous dit jamais pourquoi on ne garde pas. On ne sait pas ce qu'on doit travailler. On nous le dit, mais sur après. Bon, on va dire si on appelle une deuxième fois, on dira oui, la dernière fois, c'est plutôt la voix qui a péché, ou alors on sent que tu ne connais pas trop les paroles encore, ou c'est fragile. Voilà. Donc. Un premier essai, pas terrible. C'est ça. Carrément raté. C'est ça. Parce que je chantais pas bien, faut l'avouer. Un deuxième essai, un peu plus concluant, mais pas totalement. Donc il y a plusieurs étapes, comme je te disais. Donc j'avais pas réussi. Je sais plus, une autre étape, pareil, il faut s'enregistrer, chanter devant une caméra, peut-être un peu plus stressant pour moi, donc pas réussi, et c'est au bout de la quatrième fois que j'ai été sélectionné finalement. Quoi. Et qu'est-ce qui te faisait vraiment envie dans cette émission ? C'était le fait de passer à la télé ? C'était de se challenger soi-même ? Eh bien, c'est plus le thème de l'émission qui finalement me parlait beaucoup, je me disais, des paroles tu en connais, naturellement, bon après forcément il a fallu en travailler, mais c'était un peu ma passion, mon cœur de métier, même si c'est pas un métier, on va dire, mais voilà. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on dise aux gens que tu n'es pas du tout dans le métier de la chanson. Pas du tout, moi je suis dans la comptabilité. En plus, quelque chose de très sérieux. Voilà, des chiffres contre des lettres, finalement, à cette émission. Contre des notes. Exactement, donc j'étais pas du tout dans ce milieu-là, mais je connaissais les paroles, donc je me suis dit, voilà, un bagage pour commencer, et c'était le thème de l'émission qui me plaisait, finalement, pour pouvoir m'inscrire, quoi. Oui. Et tu n'avais jamais eu envie de passer dans une autre émission avant ? C'est vraiment celle-ci qui t'a accroché ? Non, pas du tout. Et en plus, la graine, comme je disais, a germé au moment du confinement où j'ai vu des rediffusions de l'émission et je me suis dit, finalement, tu en connais des paroles. Finalement, tu pourrais peut-être toi aussi passer le pas et m'inscrire. J'ai ma légitimité pour aller là-dedans. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Okay. C'était une époque. Donc, en fait, il s'est passé combien de temps entre ton premier essai et le jour où on t'a dit, ça y est, veut bien vous recevoir ? Je savais qu'il fallait travailler, donc j'ai travaillé quasiment un an avant de faire le premier appel. Et c'est-à-dire travailler ta voix, plus c'est apprendre les chansons, avoir un bagage de plusieurs centaines de chansons avant d'appeler. Et ensuite, une fois, si vous êtes refusé, il faut attendre 4 mois avant de se réinscrire. Donc au bout de 3 refus, j'ai quasiment mis un an avant d'être pris finalement. Donc un an de travail. Et un beau matin, ça y est, on décroche. On vous appelle, c'est ça, exactement. Pour aller à l'émission. Pas forcément tout de suite, mais on vous dit, tu es sélectionné et un jour, on t'appellera pour les tournages. Et ce jour-là est venu assez rapidement. Et là, il peut y avoir aussi un grand délai. Exactement. Tous les mois, on vous dit, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu n'es pas là ? Et voilà, on donne nos disponibilités. Ah oui, moi j'ai hâte de savoir comment ça se passe le tournage, parce que j'imagine qu'on fait plusieurs émissions à la suite. Exactement, c'est donc ça. Donc on enchaîne un petit peu. Ouais. Hein. Eh bien, nous, on va enchaîner avec de la musique. Enchaînons. Et on va enchaîner avec une interprète que tu as beaucoup sélectionnée dans ta playlist. Oui. Alors, évidemment, on n'a pas mis tous les morceaux que tu as eu envie d'entendre.

Attends, on a été un tout petit peu coupé, donc je reprends. Donc, on a vraiment des problèmes techniques ce matin. Oui, donc je voyais beaucoup d'émotions hein, en écoutant cette interprétation de Dalida. Je disais, ce n'est pas forcément la chanson la plus gaie de toute l'histoire, et pourtant, je l'adore. Non, c'est vrai, ouais. Mais elle met tellement d'intensité. Et donc, c'est vraiment une interprète qui est chère à ton cœur. Bien, ça c'est à cause de ma grand-mère, je l'ai écoutée en boucle je pense sur les routes de vacances et du coup elle m'a un petit peu biberonné à Dalida, donc j'adore Dalida. Tu connais toutes ses chansons ? Certainement pas toutes parce qu'elle en a fait beaucoup, mais ouais je... Et alors je vais quand même revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure parce que je suis hyper impressionnée, tu connais plusieurs centaines de chansons ? Ah ben en travaillant 2 ans, oui tu... Et entièrement, c'est-à-dire que... Bon bah maintenant je pense que j'ai perdu un peu... Tu connais mais... forcément ah oui, c'est le... ça, mais oui, en t'entraînant bah, forcément tous les jours, oui... Et tu les as gardées en mémoire même après l'émission ou c'est un truc qui s'évanouit parce que ça y est, le challenge est dépassé et on... Ça s'évanouit pas totalement, mais ça s'estompe quand même. Si on ne travaille pas, on a tendance un petit peu à perdre quand même. Oui, honnêtement, oui, je les connais peut-être plus par cœur aujourd'hui. C'est Et sûr. Alors, comment on choisit les chansons ? Il y a, moi j'avoue, hein, humblement, je ne regarde pas l'émission. Donc, c'est que des chansons françaises, par exemple, déjà, ou il y a de l'étranger ? Uniquement des chansons françaises, déjà, on n'est jamais noté sur l'étranger. S'il y en a, quoi. Oui, c'est, ok, ouais. D'accord. Et c'est This tout sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com. Très récente. Très récente ou très, très vieille, ouais. Et donc, en fait, les chansons que tu décides d'apprendre, tu les apprends, tu les choisis au feeling, ou vous avez une sorte de catalogue ? Alors l'émission ne diffuse aucun catalogue officiel, mais après il y a des chansons qui tombent à l'émission, qui sont, on va dire, préenregistrées sur des listes par des gens qui regardent l'émission, qui font comme un listing voilà, non officiel sur un blog, et voilà, donc ça m'a servi de base de travail. Les autres vous aident beaucoup à Et à alors réviser. Tu as eu des découvertes, des interprètes que tu ne connaissais pas du tout, et tu t'es dit, bah, tiens, finalement, oui, j'aime bien ça. Et finalement, voilà, des gens comme Brel ou Bachung, ces personnes-là où je connaissais vaguement, mais sans plus, et que j'ai appris à aimer finalement avec l'émission, parce que je ne connaissais pas trop, et quand on commence à connaître, on aime bien. Oui. Allez, maintenant, je veux tout savoir sur le tournage de l'émission. Pas de Vas-y, soucis. Raconte-nous. Oh, peut-être qu'on va faire une respiration musicale. On peut faire une respiration musicale. Allez, on fait une respiration musicale avec un morceau aussi vraiment le grand répertoire français des années 70, c'est Sylvie Vartan. J'adore aussi. Tu as choisi La Maritza. Oui, une chanson que je fais en concert, enfin qu'on en a souvent en concert, donc que j'aime écouter. Une chanson encore une fois très très douce. On vous gâte hein, dans ce début d'année. On adore, oui. Allez, c'est parti. Les oiseaux sont partis. Quelle jolie chanson. Merci, hein. C'est très doux. Douce et mélodie, ouais. C'est ouais, ça. C'est vraiment très entraînant. Alors, on a envie que tu nous emmènes dans la danse avec toi, dans la chanson. Explique-nous, alors, comment ça se passe. Voilà, tu arrives sur le plateau. C'est ça. Oui. Voilà, comment tu es pris en charge. Qu'est-ce qu'on te, par quelle étape tu dois passer jusqu'à arriver sur le, alors le direct, non, sur l'enregistrement plutôt. C'est ça. Déjà, j'arrive avec un métro qui tombe en panne, donc plein de stress et de gouttes de mais sueur. On prend de un stress. Peu d'avance, hein, j'imagine. C'est ça, on, mais. Quand on va à ce genre d'événement. Mais je suis arrivé avec le palpitant à 100 km/h, mais voilà. Après, les gens vous mettent très à l'aise. C'est une équipe de petits jeunes, finalement, ambiance colonie de vacances, qui vous mettent à l'aise, qui vous réunit avec les autres candidats de l'émission, parce qu'on fait une dizaine d'émissions à la journée, donc il y a plusieurs candidats à attends, la journée. Attends, je voudrais être sûr que les auditeurs ont bien entendu. Vous enchaînez 10 émissions à la suite. Exactement. Mais voire c'est plus un boulot de stacanoïste. Ah, c'est ça. Alors après, voilà, si on en fait qu'une, c'est un peu, c'est pas très fatigant. Quand on en fait 10 à la journée, c'est un peu plus éreintant, quoi. Mais voilà, donc les casteurs vous expliquent un petit peu le déroulé de cette journée, comment va se alors passer les casteurs, l'émission. On va dire, pour les gens qui parlent pas trop anglais, c'est oui. Les gens qui ont choisi les. Qui ont sélectionné les candidats. Qui ont sélectionné les candidats. Oui, exactement. Juste comme ça, pour savoir, le plateau, c'est où c'est à Paris c'est... Oui, c'est à la Plaine Saint-Denis. D'accord, ok. Oui. Et pour également avoir une idée, moi je suis très pratico-pratique comme fille, il y a combien de personnes dans l'équipe qui tournent autour de vous pour mettre ça en route? Eh bien, on va dire aller peut-être 5 casteurs, parce qu'il y en a un sur le plateau, un qui vous suit, après il y a toute l'équipe, maquillage, habillage, vêtements, voilà, qui vous entoure. Et ça ne fait que 5 personnes finalement? Ah non, oui, ah, là il y a un peu, ouais, peut-être une dizaine de personnes, on va dire, 5 vraiment toute la journée, et peut-être 5-6 autres, les maquilleuses, tout ça, un peu plus ponctuel. Dans la journée. Et combien de temps se passe entre le moment où tu arrives et le moment où tu es sur le plateau? Je pense que je suis arrivé à 10h du matin et j'ai dû tourner vers 18h, je pense. Parce ah que, oui bah, vu qu'il y a 10 émissions, j'ai commencé à la 9e finalement. Donc j'ai vu les autres émissions se tourner, mais je n'en ai pas fait partie. Mais on les voit quand même se tourner. Et donc du coup, moi, j'ai été invité sur le plateau à la 9e émission. Alors du coup, si tu arrives un petit peu, j'irais aussi décontracté que possible, quand tu attends des heures comme ça, bah forcément, tu commences à flipper ta race. Je pense que la première journée, je n'ai jamais eu de détente. Finalement, moi, j'ai eu du stress permanent. Et là, tu dois avoir des tas de chansons qui se bousculent dans tous mais les c'est sens. C'est ça, on se dit ça, j'aurais réussi. Puis après, on voit un petit peu les champions en place, tout ça. Donc, on se dit, je veux pas jouer contre lui, il a l'air fort, je veux jouer plutôt contre lui. Mais ça, on choisit pas vraiment, finalement. Donc, et alors, l'animateur vedette, il vient un petit peu vous voir avant ou vous ne le découvrez que sur le plateau? Je le découvre sur le plateau, exactement. D'accord. Ouais, ouais. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, il est comment? Eh ben, écoutez, aussi bien que les casteurs, voilà, il vous met à l'aise parce que voilà, il sait forcément que c'est un moment flippant, peut-être ouais. Stressant. Voilà, ouais. Surtout que moi, c'était la première fois, donc je n'avais aucune idée. Le plateau, je l'avais déjà vu en tant que spectateur, mais je l'avais jamais vraiment vécu. Donc non, c'est tout le monde vous met à l'aise quand même pour passer un bon moment. Oui, c'est sympa, c'est une bonne ambiance. Oui, très bien. Ouais, c'est, ouais, ouais. C'est sympathique. Hein. Ok, donc alors, tu es sur le plateau. C'est ça. Plein de stress. ça se passe comment? C'est toujours des duels, on va dire. Vous êtes c'est deux ça. À deux, oui. C'est ça? C'est ça. Un monsieur que j'ai vu gagner 2-3 fois déjà avant que je passe. Tu es le challenger. Je suis le challenger, comme c'est exactement le terme que l'on emploie. L'autre a déjà gagné. C'est exactement toi, ça. Toi, tu arrives un petit c'est, peu c'est pour vraiment le terme employé par l'émission, en plus. Donc, ah, voilà. C'est ça. Il y a le maestro et le challenger. Je suis dans le ton. Exactement. Et alors là, il faut choisir des thèmes. C'est ça, un duel s'installe, on choisit des thèmes et on gagne selon un scoring de 50, 40, 30, 20 ou 10 points selon le thème. Et alors dans mon intro, j'ai mis peut-être un petit peu rapidement qu'il y avait eu un petit peu de chance. Est-ce que tu as le sentiment que, bien sûr, on a parlé du travail, hein, ça on est bien d'accord là-dessus, t'étais, voilà, tu arrives un peu prêt? Mais est-ce que tu as le sentiment quand même que tu as eu un petit peu de chance dans les thèmes, dans les chansons? J'ai eu de la chance parce que la chanson, on va dire, finale qui fait vraiment que l'on s'affronte, il faut la chanter par cœur. Et donc j'ai commencé cette chanson, donc voilà, je suis allé quasiment au milieu, un milieu trois quarts, et l'autre est dans un fauteuil avec un casque et n'entend pas ce que l'autre chante. Et après il va chanter la chanson, et un mot, un point, et il faut qu'il remonte plus que l'autre quoi, pour gagner. Et donc moi, je te dis, je fais la moitié de cette chanson. Et ensuite, le maestro en place dit « je ne la connais pas ». Donc là, je me dis « j'ai beaucoup de chance, en effet ». Ah oui, ouais. En fait, ouais. Là, tu as eu de la chance parce que l'autre n'a pas eu de chance, quoi. C'est ça, c'est en ça. En fait, c'est exactement. Ça, c'est que bah, c'est un petit peu le, et c'est une chanson qui l'esprit même du pour duel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y en a un des deux qui a un petit coup de mou. C'est ça, oui, alors, ça peut voilà, arriver. Il n'y a pas la petite grâce, le petit coup de pouce. Hein. C'est ça, une chanson très connue, mais qu'il faut travailler quand même, sinon, bah, voilà, bah, ça, on se plante, quoi. C'est ça. Mais parce que quand même, même. C'est une chose. Moi, par exemple, j'ai le sentiment de connaître des chansons, mais je suis incapable de chanter une chanson, enfin, de chanter par cœur. Et bah, c'est ça, toute faut les bosser. Des bah, oui, bribes, des petits bouts de phrases, mais voilà. Hein. Allez, on enchaîne. Tout à l'heure, tu parlais de révélation. Oui. Tu as choisi de nous faire écouter un peu de Polnareff. Oui. Quelqu'un donc que tu n'aimais pas trop quand tu étais jeune et que tu as découvert plus tard. Voilà, des chansons. Que tu es encore très très jeune. Hein. Bon, voilà, les gens doivent l'entendre. Un petit peu moins, mais voilà. Allez, on part avec Holidays. Oui. Encore un très très beau morceau, on te remercie Johan. Si on n'avait pas autant de problèmes techniques ce matin, ce serait là l'émission parfaite, toute douce, avec des mélodies comme on aime, des jolis textes. Holidays, ça nous rappelle les vacances, c'est ça? Oui, ça fait penser aux vacances et c'est vraiment la belle chanson française. Hein. Alors, donc Johan, tu as cette chance là, avec ce maestro qui lâche la main en fait. C'est ça, exactement. Hein, oui. Qui lâche la main et là tu prends ton destin. Exactement. Donc là, je deviens maestro à la place du maestro. Et là, je comprends pas trop ce qui m'arrive finalement. Je me suis dit, mais parce qu'on espère tous gagner, on travaille pour gagner, mais on se dit, il faut quand même y arriver. Et puis voilà, c'est une chance de quand même de passer ce cap-là. Et finalement, je suis là, quoi. Donc. Et une émission, ça dure combien de temps? Une demi-heure, je dirais. Ah, c'est long quand même. Hein. Ouais, c'est long, mais court à la fois. Hein. Ça passe très vite pour le coup. Hein, quand on et dit, alors, j'imagine que ça doit être très très enivrant parce qu'il y a d'autres musiciens sur le plateau. C'est ça, parce que ils jouent tous en direct. direct. Exactement. Ah, c'est le concept. C'est exactement ça. C'est vraiment un petit live, voilà, un petit concert en direct. Il y a des choristes qui vous soutiennent. C'est ça, exactement. Vous sentez très entouré. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit public aussi en face de nous. Et donc, ça fait quoi de gagner la première fois alors? On se demande ce qu'on fait là, quoi. Donc, franchement, on adore. Hein. C'est pas déplaisant, hein. faut pas mentir. Mais voilà, c'est stressant. Et là, on relâche un petit peu le stress pour le coup parce qu'on se dit, oh, ça y est, on a réussi. Et mais attention, il faut rester concentré exactement, parce que c'est là où on pourrait se laisser un peu trop aller. Voilà, mais après, l'expérience des tournages va faire que je vais me détendre finalement. Je sais ce qui va m'arriver finalement. Donc, ça relaxe un petit peu. Alors, donc, on finit une émission. Oui. Il se passe combien de temps avant la deuxième émission? Vous avez le temps quand même de. Bon, le temps de s'asseoir, boire un coup, manger si on a besoin. Voilà. Mais, petit raccord maquillage. Voilà, si nécessaire. Mais voilà, 5 minutes, je dirais. Voilà. Ça enchaîne quand pas même mal. Pas perdre la concentration. Exactement. Hein. Oui. Donc, ça passe assez. Et donc, émission vite. Numéro 2. C'est ça. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui veut en démordre. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais à chaque fin d'émission, il y a une finale où on joue tout seul pour gagner de l'argent pour le coup. Donc la première. Ah oui, c'est ça. Je voulais te demander. Oui. Je ne sais pas si on va pas tellement parler d'argent, mais quand on gagne une émission, on gagne combien? C'est ridicule ou c'est déjà ça dépend. En fait, c'est des paliers. En fait, le principe, c'est au début, on doit trouver peu de mots pour peu d'argent, et plus on décide de continuer, plus on peut gagner beaucoup. Et donc ça va de 1000 euros à 20 000 euros par émission possible. Par contre, si on se trompe, on retombe à zéro. Donc, Il y a quand même. Donc le Graal, c'est 20 000 euros par émission. Il y a quand même un vrai jeu, hein, c'est-à-dire ça peut vite monter. Il faut tenter quelque chose. C'est ça. Mais donc la première émission, je fais 1000 euros sur une chanson que je ne connais pas du tout. Bon, écoute, pour une chanson inconnue, c'est pas mal. Puis on se dit qu'on n'a pas perdu la journée, exactement. Bien sûr. Et la deuxième émission, jackpot, 20 000 euros. Donc là, les étoiles dans les yeux. Et là, c'est acquis. Oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive, la troisième émission, c'est pas grave. Tu as gagné les 20 000 euros. Je suis à 21 000 euros de gains sur la troisième émission. Oh, mais c'est génial. Tout ça en une heure. Exactement. C'est bien payé. Bon, on va repartir en musique. Alors là, cette fois-ci, tu as choisi quelque chose de beaucoup plus triste, puisque c'est un morceau de Jacques Brel que tu voulais absolument partager avec nous. Ne me quitte pas. On en parle tout de suite ou après? Après, ouais. Après, on écoute Jacques Brel. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi. L'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. pleurer, je vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bah c'est triste, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Bah Jacques Brel souvent fait des chansons tristes mais belles, donc oui ça. Oui, parce que même quand c'est pas forcément triste, il y a toujours un peu de drame dans ce qu'il raconte. C'est vrai, hein. C'est vrai. Donc, mais bon, c'est des vraies scènes, hein, des vraies ouais. scènes. Et donc tu veux en parler de ce choix de morceau? Oui, c'était mon premier, on va dire, événement triste. Voilà, j'étais vraiment tout jeune et on avait un chien dans la famille et voilà, donc il a fallu s'en séparer à un moment donné. Donc elle était malade et je ne sais pas pourquoi. On avait cette chanson dans la voiture en l'emmenant chez le vétérinaire et ça m'a toujours marqué. Bah oui, et donc, j'imagine. Du coup, voilà, un chagrin de petit garçon. Exactement. Mais surtout quand ça. On est un enfant seul, j'imagine que ton chien c'était ton. Bah voilà, puis je l'avais toujours connu. Ego, voilà, ton c'est partenaire ça. De jeu. Exactement. Donc oui. Bon, c'est tout. Voilà, premier événement triste, on va dire. Donc bon, c'est la cas, chanson ça associée. Ça reste quand même une des plus belles chansons francophones. C'est vrai. Hein, c'est vraiment magnifique. On retrouve Johan. Ah, n'oubliez pas les paroles. Voilà, plein de joie. Alors, on va accélérer un peu parce que bon, bah, l'émission avance forcément. Tu gagnes une fois, tu gagnes deux fois, tu gagnes trois fois. Et je gagne 20 fois. Finalement. Et tu gagnes 20 fois. Exactement. Et là, est-ce qu'on se prend au jeu aussi? On est de plus en plus à l'aise. On a une ivresse du jeu, exactement. Il y a une ivresse, c'est voilà, ça, ouais. Absolument. Et je suis beaucoup plus détendu parce que voilà, on a changé de journée aussi. Voilà, j'ai dormi, je sais ce qui va m'attendre. Et je pense que ce qui fait me tenir les émissions, c'est que je n'ai plus ce stress de la première émission. Ouais, tu joues là pour. Enfin, tu es là pour le jeu, quoi. C'est ça, voilà. On a envie de revenir sur l'émission d'après, mais voilà, le plus gros effet, on va dire. Voilà, j'ai voilà, réussi pour, à. Pour ceux qui n'ont pas gagner. Entendu le début de l'émission, on est quand même sur une dizaine d'émissions par jour. C'est ça. Oui. Donc, tu enchaînes. Et le soir, vous êtes tous au même hôtel, vous vous retrouvez entre candidats, comment ça se passe? Oh, ben non, parce que finalement, voilà, moi je loge à Paris, mais les autres candidats qui ont perdu, eux rentrent chez eux, donc ah forcément bah oui, ne vrai, dorment pas forcément à Paris. Donc mais oui, c'est vrai, c'est idiot, Alex, comme question, il n'y a qu'un gagnant. Il n'y a qu'un gagnant à la fin de la journée. Et bon, alors donc, première journée, 10 émissions, le lendemain, on repart la fleur au fusil, c'est ça, oui. Assez décontracté. Là encore, sur ta deuxième journée, tu trouves que tu as eu un petit peu de chance sur les morceaux? Bah, y a des morceaux, voilà, j'ai gagné quasiment 10 000 euros, je crois, sur une chanson que j'avais révisée le matin même, dans le métro, en allant quoi, à l'émission. Oui, franchement, là, c'était une bonne étoile au-dessus de ma tête. Donc, ah oui, là, c'est la chanson à 10 000 euros. Et c'est ça. Donc, génial. Une belle étoile, pour le coup. Donc tu te souviens plus de la chanson? C'était Toutes les machines ont un cœur. Donc, c'est Maëlle, une fille qui a fait The Voice, et voilà, qui avait chanté ça en. Ah oui, c'est quand même. Très récent, pour le coup. Hein, comme, c'est niche, un petit peu, dans le sens où c'est des grands classiques. Non, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai appris. Et bim, elle tombe, quoi, bon, ce jour-là. Tu vois, j'avais raison dans l'intro quand je disais qu'il y avait un petit peu de chance. Ah, il y a forcément une part de chance, tout à fait. Peu de chance. Oui. Et donc, alors on va arriver à cette dernière émission. Oui, où là, ben, forcément, donc, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit, et je suis arrivé à 105 000 euros. Donc je perds, mais finalement je gagne quand même. Hein, donc voilà, on est triste parce que voilà, on est dans l'action de l'émission. Moi, j'en connais qui sont allés à des émissions de télé qui sont repartis avec leur poids en encyclopédie. Hein, voilà, donc, c'est ça. Donc là, c'est magnifique, mais bon, c'est quand même pas 105 000 euros. Bah, c'est ça. Donc non, forcément, on se rend pas forcément compte parce qu'on est vraiment dans l'ambiance de l'émission et on joue pour jouer. Et c'est des euros virtuels au début, donc forcément, on les a pas gagnés, même si on les a vraiment gagnés, on se rend pas compte en fait. Donc mais on est triste de quitter voilà, une ambiance. Et alors, une émission, tu as chuté sur quoi? C'est quelqu'un qui a été meilleur ou là, tu n'as pas eu de chance? Je l'avais pas forcément révisé. C'était comment il s'appelle, Francis Cabrel, voilà, que je déteste depuis, entre guillemets. Non, je rigole, bon, hein, évidemment, mais je ne déteste pas vraiment. Hein, mais voilà, pas dans tes préférés, quoi. Disons que voilà, j'ai Que je t'aime de Johnny qui m'a fait gagner, et j'ai Francis Cabrel qui m'a fait l'encre de tes yeux, qui m'a fait perdre. Voilà, c'est pas grave. Et alors, dans les super maestros, il y en a qui sont restés combien de temps d'affilée? Le meilleur score, c'est quoi? Je sais plus, parce que la première avait fait une cinquantaine de victoires, je crois, et même il y a des gens qui sont allés à 60-70 victoires. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Hein. Ah oui, c'est très donc soutenu. Là, il faut quand même que tu bloques une semaine de ta vie. Hein. Ah bah voilà, après c'est 2-3 journées par mois de tournage, donc on va dire une trentaine d'émissions par mois, sur 3 jours finalement, et après voilà, on revient le mois d'après. Donc c'est pas forcément une grosse semaine de poser en termes de congé, quoi, mais voilà, c'est vrai que ça enchaîne quand même. Et alors, il faut quand même dire aussi aux gens que c'est enregistré dans les conditions du direct. Quasiment, il n'y a pas de coupure, etc. Très peu, en revanche, ça passe combien de temps après à la télé? Eh bien, moi, j'avais tourné au mois de juin et j'étais diffusé au mois de septembre, donc 3 mois après. Ça peut prendre 2-3 mois. Ah oui, donc tu as le temps de... Il y avait la période estivale, de te cacher avec ton magot avant que tout le monde ne soit au courant. Mais je n'avais pas de magot finalement. Autre question, on l'a quand le magot? Le magot, quand c'est diffusé. Quand l'émission est diffusée, une ou deux semaines après, quand c'est diffusé, c'est ça. Et donc, là, tu reçois un virement sur ton compte ou il y a un truc un peu plus... Non, je reçois un virement sur mon compte sans qu'on prévienne d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir et bizarre en même temps, parce qu'on n'arrive pas tous les jours. C'est tellement chouette. Hein. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, je pense. Donc, vraiment, belle expérience et belle surprise pour le coup. Et là, tu te dis, j'ai quand même bien fait d'apprendre 350 chansons. C'est vrai que j'espérais pas du tout en arriver jusque-là, quoi, mais voilà. Et c'est une des émissions, encore une fois, moi je ne connais vraiment pas, mais c'est une des émissions de télé où on peut le plus gagner d'argent. Quotidiennement, je pense. Oui, pour le coup, par émission, 20 000 euros, il doit y en avoir des autres. Hein. J'ai pas tout en tête. Mais je suis pas sûr qu'il y ait autant d'argent. Avant, il y avait les 12 coups de midi aussi. On pouvait gagner 20 ou 30 000 euros par jour. Mais voilà, c'est. Et est-ce que tu t'es fait des amis pendant l'émission? Eh bien oui, parce que finalement on a refait une émission juste après mon passage à l'émission. En gros, ils refaisaient les meilleurs de l'émission qui jouent ensemble, si vous voulez. Et pour le coup, c'est une spéciale. En fait, ils appellent ça les masters, où en gros les meilleurs s'affrontent sur une semaine ou 15 jours et reviennent. Ah donc là, il y a encore du jeu. Reviennent tous c'est les pas ans pour et pour le spectacle. Et première fois pour le coup dans l'émission, les meilleurs de la saison font un concours entre eux. Donc je suis retourné à l'émission au mois de septembre pour le coup et j'ai rencontré des gens avec qui je suis devenu ami aujourd'hui et donc du coup on se revoit très régulièrement. Sympa, donc sympa, des gens sympa. Que je ne connaissais pas du tout et une même passion nous a réunis quoi. Donc c'est plutôt chouette. Plutôt chouette. Ouais, Eh bien, on va faire un petit morceau encore, et puis ensuite on reprendra le micro parce que je souhaite vraiment que tu partages avec les auditeurs ce qui s'est passé après l'émission. Oui. Hein? Donc là, on va être sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de passer sur Antenne 87, mais exceptionnellement pour toi, on va le faire. C'est un interprète totalement de nos jours, mais qui va interpréter quelque chose pas d'un de peu nos plus jours. Ancien. Donc c'est Clara Luciani qui interprète en version acoustique. Bravo, tu as gagné. Oui. Que tu connaissais de Mireille Mathieu. De Mireille Mathieu. Avec une chanteuse que j'adore. Donc pour le coup, c'est un combo parfait. Oui. Allez, c'est parti. Et toi, Bien, merci Johan de nous avoir incité à écouter cet interprète hein, qui a vraiment le vent en poupe. Hein. On peut dire que c'est vraiment une grosse révélation ces dernières années. Elle a tellement une voix. Voilà, elle a une voix magnifique propre, et, ouais, et c'est cette ça, version ouais. acoustique totalement épurée, ouais. Mais vraiment bien sa voix en valeur. Ouais. C'était un vrai plaisir. C'est important pour toi le grain de voix des chanteurs, c'est ce qui fait la différence dans ce que tu aimes plus j'ai, ou moins. J'ai du mal à trouver des chanteurs ou des chanteuses qui me plaisent aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup de chansons commerciales, voilà, beaucoup voilà de chanteurs ou de chanteuses qui font des reprises, mais pas forcément avec des grains de voix qui m'attirent. Et là, ça a été une petite révélation cette chanteuse pour oui, moi. Oui, c'est vrai, elle a vraiment vraiment beaucoup de talent. Et mais qu'est-ce que tu préfères toi finalement ? C'est la voix, c'est la mélodie, c'est le texte. Qu'est-ce qui t'attire dans une chanson ? Je pense que c'est la voix dans un premier temps et le rythme de la chanson aussi que j'aime beaucoup. Et après forcément le texte aide aussi, mais voilà la voix et le rythme. Et comment tu vis cet amour de la musique? Tu vis en musique? Tu vas voir beaucoup de concerts C'est vrai que je vais voir beaucoup de concerts. J'ai des amis autour de moi qui aiment bien organiser mon agenda concert. Donc on me dit tu vas voir ci, tu vas voir ça, c'est telle date. Ok, d'accord, j'y vais. Tu te déplaces beaucoup pour aller en concert? C'est bien, j'habite à Reims, donc maintenant on a un aréna à Reims, donc ça facilite beaucoup les choses. Il y a la Cartonnerie, une petite salle aussi où il y a des concerts assez réguliers. Il y a des festivals locaux. Même à Chalon, locaux, Épernay, à Chalon très, voilà, très c'est ça. Salles, on passe beaucoup de choses. Hein. Des festivals, le Cabaret Vert à Charleville-Mézières, par exemple, qui est très proche, et voilà, auquel je vais tous les ans. Par exemple, il y avait un festival à Reims aussi avant, qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, donc c'était l'occasion d'aller voir beaucoup de festivals en plein air, donc c'était sympa. Eh bien, ouais. Puisqu'on parle de concerts, tu vois un petit peu où je veux en venir, quel enchaînement magnifique, Alex. Transition. Très, très en forme pour ce début d'année. Bon, toujours pas en technique, mais... Alors, après l'émission, il y a une vie. C'est qui ça. S'offre au maestro. Oui. Alors peut-être pas à tous, mais en tout cas à toi. Explique-nous ce que l'on t'a proposé. Eh bien, pour le coup, voilà, je sors de l'émission et je reprends une vie normale, voilà, de petit comptable, voilà, qui s'exerce. Et un jour, donc Dorian, donc un ancien candidat de l'émission, m'appelle et me dit, bah voilà, j'ai monté un projet où je réunis des anciens candidats d'émissions télévisuelles musicales, donc voilà, diverses et variées, pas forcément que n'oublie pas les paroles. Il dit, je fais des concerts au profit voilà, d'une association. Est-ce que ça te dirait d'en association mettre... Association caritative. Hein, tout à fait, tout bien à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. De lutte contre les tumeurs cérébrales, en l'occurrence. Et il me dit, est-ce que tu veux en être ? Bon, oui, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai absolument pas de côté mais professionnel. C'est génial, hein. Et pour le coup, voilà, c'était il y a, on va dire, deux ans, en début 2024. Et j'y vais très régulièrement depuis. Donc, super belle expérience. Alors, on soit sûr de bien l'avoir compris. Donc, ce sont des anciens de cette émission. Et d'autres émissions et musicales. D'autres émissions exactement, oui. Qui ensemble montent sur scène. C'est ça, interprètent des morceaux. Et font des spectacles c'est ça, caritatifs. En peu près deux heures en salle ou en plein air. Et voilà, on chante à deux, à trois, en collégial. Et on s'amuse pendant deux heures. Mais sur un spectacle, vous pouvez être combien de personnes différentes? Une petite quinzaine, je dirais. Voilà, ça tourne. Bah c'est sympa. Voilà, on est toujours et alors, deux, trois, le concept, voilà. C'est d'aller au plus près des gens. C'est ça. Pas forcément dans des grandes villes, mais plutôt aller visiter les petites contrées, les petites salles, des salles de 100 ou 200 personnes. Et il y en a partout dans nos villages. Et il hein, y en a partout, bien, hein. C'est ça, voilà. Et je suis toujours assez surpris de voir des salles quand même hyper bien. bien équipés, voilà, pour des spectacles avec des lumières, des régies, voilà, pour pouvoir nous accueillir et finalement proposer un bon spectacle à des gens qui n'ont pas forcément une grande ville pour avoir une culture chez eux. Donc c'est plutôt pas mal, oui. Alors récemment, tu as fait des choses sur le territoire. Hein, exactement. Je crois qu'on a pu te voir à Montmirail. Exactement, voilà, où toute la famille a pu venir me voir pour la première fois. Donc c'était plutôt cool. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont prévus? Donc dans la région, je vais à Arcis-sur-Aube, je crois, sur le mois de mars. Donc c'est pas très loin non plus. Gardez la date. Exactement. Hein, donc c'est à la salle des fêtes. Oui, à chaque fois, c'est ça, ouais. Voilà, eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur Antenne 87 avec grand plaisir. Super, hein, parce que c'est quand même une très, très belle initiative. Mmh. Donc, spectacle totalement caritatif. Et puis, avec une bande de potes, parce que j'imagine que vous êtes devenus amis. Mais tout c'est ça. Donc, j'en connaissais, on va dire, deux ou trois, voilà, que j'avais déjà rencontrés sur l'émission. Et après, bah, d'autres personnes d'horizons complètement différents. Hein, voilà. Des enfants, limite, hein, qui sont ici d'émissions musicales également. Donc, et des gens qu'on revoit, bah forcément j'y retourne tous les deux mois, tous les trois mois, donc voilà. Oui, donc tu en fais quand même très régulièrement. Ah oui, bah... Et je me suis laissé dire qu'en plus tu t'étais mis à la chorégraphie, enfin à la danse. C'est ça, donc le spectacle propose du chant, mais également des petites chorégraphies, comme c'est tu dis. Donc, c'est ça, donc. Mais ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, parce que d'une aventure personnelle, en fait, oui, hein, ça, oui. Aller tout seul à l'émission, se préparer, etc., eh bien vous avez continué avec une aventure collégiale. Oui, c'est et ça, ouais. En plus caritative. Et on se rend compte que voilà, une même passion peut vite réunir des gens et créer des liens d'amitié très rapidement finalement. Je savais que démarrer l'année avec toi c'était vraiment une bonne idée. De bonne augure. Je trouve que ça donne quelque chose de très joyeux et de très inspirant, ouais, pour démarrer l'année. Je te remercie beaucoup, Johan. Merci de on va m'avoir finir accueilli. Cette émission, car comme tu as dit tout à l'heure, toute bonne chose a une fin. Exactement. Mais tu oui. es toujours le très bienvenu. Merci beaucoup. Sur Antenne 87, on aura bien du plaisir à t'avoir de nouveau à nos côtés. Et puis, on va finir avec le morceau dédicace. Là, cette fois-ci, on repart sur du Dalida. Ah oui, toujours l'unique Dalida, une petite dédicace à la grand-mère. C'est elle qui m'a biberonné à ça, quoi. Bon, alors, mourir sur scène. C'est là que j'en suis née, c'est exactement ce qu'elle voilà, dit. Voilà, on va plutôt garder le début, c'est là que je suis née. On te souhaite plein de bonnes choses, Johan. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. On sent ta détermination, ta simplicité en même temps et ta bonne humeur. C'est la deuxième fois que je te rencontre et c'est toujours un plaisir. Eh bien, plaisir partagé, Alex. j'ai toujours mes petites conversations, j'ai toujours mon petit jardin secret qui est en moi et c'est très bien comme ça. Votre radio locale,